Arriver. Arriver, c'est llegar. Deux L, E, G, A, R. Llegar. Arriver. Alors, comment dites-vous à quelle heure allons-nous arriver à Madrid? À quelle hora allons-nous arriver? Arriver. Llegar, hein, c'est ça. Llegar, arriver. À Madrid. À Madrid? Oui, tout simplement. Donc, à quelle hora vamos a llegar à Madrid? Alors, encore une fois, nous le faisons, c'est... Hacemos. Nous le faisons. Lo hacemos. Lo hacemos, en effet. Ils ou elles le font. Lo hacen. D'accord, hein? Lo hacen. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Por qué no lo haces? Bien. Por qué no lo haces? Por qué no lo haces? Et comment dit-on j'ai? Tengo. Tengo, oui. Il y a certains verbes pour lesquels, avec je, on n'a pas seulement la terminaison o, mais g-o, hein, comme c'est le cas pour tengo. Ces verbes, je les appelle le verbe gogo. Hein, le verbe gogo. Ils sont intéressants. Donc, tengo en est un. Tengo du verbe tener, ce qui veut dire j'ai. Il arrive la même chose avec le verbe venir. Je viens se dit. Vengo. Vengo, oui, vengo. Donc, on a tengo et vengo. J'ai et je viens. On a aussi salir, qui veut dire sortir ou partir. Et qui est aussi un verbe gogo. Donc, je sors, je pars, se dira. Salgo. Salgo. Salgo. Salgo. Donc, jusqu'ici, on en a trois. J'ai. Tengo. Tengo. Je viens. Vengo. Non, vengo. Vengo, oui. Et je sors, je pars. Salgo. Salgo. Et puis, on a maître. Hein? Maître qui se dit poner. P-O-N-E-R. Hein? Poner, c'est mettre. Pensez au verbe poser en français. Hein? D'ailleurs, poner veut dire mettre, mais aussi poser. Je parle ici de poser parce que le verbe qui se forme à partir de poser en français sont des verbes qui se terminent avec poner en espagnol. Par exemple, opposer, c'est oponer. Supposer, suponer. Composer, componer. Proposer, proponer. Donc, poner, c'est mettre ou poser. Or, poner est un verbe gogo. Donc, je mets, se dit. Pongo. Pongo. Pongo. Pongo. Et je le mets ici. Lo pongo aquí. D'accord. Hein? Lo pongo aquí. Alors, jusqu'ici, on a. J'ai. Tengo. Tengo. Je viens. Vengo. Vengo. Et je sors. Salgo. Salgo. Hein? Je mets. Pongo. Pongo. Je suppose. Supongo. C'est ça, hein? Supongo.